Après avoir étudié les philosophies de l'histoire, nous allons maintenant nous intéresser aux critiques qui ont été formulées à l'encontre de ces théories, aussi bien idéalistes que matérialistes, du processus de changement des sociétés. Nous allons étudier trois critiques, celle de Nietzsche, celle de Popper et celle de Arendt. À la fin du XIXe siècle, Friedrich Nietzsche développe une critique des philosophies de l'histoire fondée sur une remise en cause de l'idée de progrès. Nous avons vu que l'idée de progrès, qui avait surtout émergé durant la période des Lumières, avait exercé une forte influence sur les philosophies de l'histoire. Mais selon Nietzsche, cette idée de progrès repose sur une confusion abusive entre d'un côté le développement technique et scientifique, et d'un autre côté, une prétendue amélioration morale de l'humanité. Par exemple, on avait vu, par exemple, chez Condorcet, un philosophe des Lumières, cette idée que le progrès scientifique, le progrès des connaissances allait de pair avec un développement moral de l'humanité. Mais pour Nietzsche, ce progrès moral est une illusion. Les hommes ne s'améliorent pas au cours de l'histoire. Ils subissent tout au plus un processus de domestication, d'aliénation sociale. Pour Nietzsche, les philosophies de l'histoire servent à justifier de façon rétrospective ce qui est arrivé par le passé. D'une certaine manière, c'est le point de vue des hommes du présent qui se disent que les faits passés sont arrivés pour que l'état actuel des choses se réalise. Mais cela repose en fait sur des croyances illusoires. La première croyance illusoire consiste pour les hommes d'aujourd'hui à se croire supérieurs aux hommes du passé. Mais en fait, chaque époque a ses avantages et aussi ses inconvénients. Nietzsche notamment, qui est un philosophe plutôt individualiste, qui est partisan de ce qu'on pourrait appeler une morale aristocratique, a tendance à valoriser les périodes qui sont aussi marquées par une forme d'aristocratisme, et il est très critique, voire méprisant, à l'égard de l'esprit démocratique, égalitaire, qui se diffuse à son époque, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle. La seconde croyance illusoire au fondement des philosophies de l'histoire réside dans leur caractère téléologique. Téléologique n'est pas à confondre avec théologique. Théologique vient de théos, c'est l'étude de Dieu. Téléologique, c'est tiré du terme grec télos, qui signifie la fin. Donc, le fait que les philosophies de l'histoire aient un caractère téléologique, cela signifie qu'elles reposent sur le fait de croire que l'histoire aurait une fin, un but, une finalité vers laquelle elle s'achemine. Mais pour qu'un processus ait un but, il faut bien que quelqu'un lui ait attribué. Autrement dit, à l'arrière-plan des philosophies de l'histoire, on postule l'existence d'un être guidant l'histoire, par exemple Dieu, guidant l'histoire au travers de la providence. Mais pour Nietzsche, l'histoire est dépourvue de sens. Elle est seulement déterminée par des rapports de force. Chercher une fin de l'histoire, c'est donc, selon Nietzsche, en fait, renouer avec l'eschatologie chrétienne. Mais dans ces conceptions d'histoire, aussi bien la conception chrétienne que les philosophies modernes de l'histoire, il y a toujours l'idée pour Nietzsche que les hommes cherchent à se rassurer. Les hommes n'arrivent pas à assumer le caractère tragique, absurde de l'histoire, et donc ils se façonnent une conception rassurante qui attribue un but, un sens aux événements. Alors, à l'époque de Nietzsche, donc cette idée de progrès, donc qu'il critique de façon assez virulente, est encore très influente, très importante à la toute fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Mais on va voir au XXe siècle une remise en cause progressive de cette idée de progrès, en particulier avec les guerres mondiales et les génocides qui les ont accompagnés. Et puis plus récemment, vers dans la seconde moitié du XXe siècle, avec le développement de la critique écologique, qui remet en cause aussi cette idée d'un progrès global sur tous les aspects des sociétés humaines, alliant d'une certaine façon le progrès technique, économique au progrès scientifique. Et bien, cette idée-là est de moins en moins acceptée, alors qu'elle était très dominante encore au XIXe siècle.